إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. دبخ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أم أديو بخفات sallallahu alayhi wa sallam, adresse-moi une recommandation. Il lui dit: ne te mets pas en colère. Il répéta alors sa demande à plusieurs reprises, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne te mets pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari. Dans ce hadith, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de se parer d'une autre qualité, qui est de ne pas se mettre en colère. Il rapporte donc qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est cet homme? Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas mentionné le nom de cet homme. Et ceci est courant dans de nombreux hadiths. Des récits sont mentionnés sans préciser l'identité de la personne. Car ceci, en réalité, ça n'influe pas sur le jugement qui est général et ne change pas selon les gens. On n'a donc pas besoin de savoir qui est cet homme. Mais ce qui nous importe ici, c'est la question qu'il a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: adresse-moi une recommandation. C'est-à-dire, exhorte-moi à faire une chose importante. Oriente-moi vers une ligne de conduite que j'adopterai. Et ceci nous montre la ferveur des compagnons radiyallahu ta'ala anhum et leur désir de faire le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit: ne te mets pas en colère. Et ceci est une recommandation immense. C'est une recommandation immense pour celui qui la médite. Car la colère, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans un autre hadith, c'est une braise que le diable jette dans le cœur de l'enfant d'Adam, c'est-à-dire dans le cœur de l'être humain. Et alors cette braise, elle fait bouillir son cœur. C'est pour ça que quand quelqu'un se met en colère, tu le vois rougir. Tu vois ses veines gonfler et il se peut même que ses poils s'hérissent à cause de la colère. Et ça, ce sont donc les effets visibles sur le corps de la personne qui est en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit à cet homme: ne te mets pas en colère. Mais qu'est-ce qui est visé par cette interdiction? Est-ce une interdiction d'être en colère ou bien est-ce une interdiction d'exprimer sa colère? Car contrôler sa colère, c'est quelque chose de difficile. Et les gens, ils ne sont pas tous pareils et ils diffèrent grandement à ce sujet. Malgré cela, rien n'empêche de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visé ici la colère naturelle dans sa parole: ne te mets pas en colère, c'est-à-dire apaise ton âme, contrôle ton âme afin de ne pas être en colère. Contrôle ta personne et maîtrise ta colère lorsque tu es en présence d'une chose qui cause ta colère. Le deuxième sens, c'est l'interdiction d'exprimer sa colère, c'est-à-dire de ne pas laisser exploser cette colère en disant ou en faisant ce à quoi ta colère te pousse. Et il n'y a pas de doute que ceci est interdit et que l'homme, lorsque la colère lui vient, il doit patienter. On dit donc, pour résumer, que le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est: contrôle ta personne afin de ne pas te mettre en colère, puis si tu es en colère, alors n'exprime pas ta colère et ne laisse pas ta colère exploser. L'homme répéta alors sa demande à plusieurs reprises. De par son désir de profiter des recommandations immenses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce afin de les mettre en pratique. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à nouveau: ne te mets pas en colère. Il lui répéta cette recommandation, ce qui nous prouve son importance immense et la nécessité pour le musulman de se parer de ce noble comportement sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté lors de sa recommandation à cet homme. Ceci est donc une explication résumée de ce hadith et on va donc maintenant mentionner quelques bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fort attrait des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, pour ce qui est profitable. Les compagnons, qu'Allah les agrée, ils cherchaient avec ferveur à savoir tout ce qui est profitable. Et ils interrogeaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on peut le voir à travers de nombreux hadiths, dont ce hadith qui est devant nous, et dans lequel cet homme, qui est un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé une recommandation. Et pourquoi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, avaient-ils cette ferveur à rechercher ce qui est profitable? Est-ce que c'était simplement pour en avoir connaissance et pour augmenter leur science? Non. Mais quand les compagnons, ils apprenaient la science, et quand ils prenaient connaissance de la vérité, ils la mettaient en pratique, car l'objectif de la science, c'est sa mise en pratique. Aujourd'hui, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent la science, ils posent des questions, ils interrogent au sujet de certains jugements religieux, mais ils ne les mettent pas en pratique. Pire encore, certains, ils interrogent pourquoi? Non pas dans le but de connaître un jugement, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ce qui lui plaît, mais dans le but d'obtenir quoi? Une permission. Une permission à se laisser aller à ses passions. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. C'est pour cela que le musulman, il doit se remettre en question et se rappeler sans cesse l'importance de la mise en pratique de cette science. On doit donc prendre exemple sur les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui interrogeaient afin de mettre en pratique la science et non pas dans le simple but de prendre connaissance d'un sujet ou encore de chercher une permission et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit que le premier bénéfice de ce hadith est le fort attrait des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, pour ce qui est profitable, on ne dit pas ça simplement pour faire part de leur mérite dans cela. Mais l'objectif, c'est aussi de les prendre pour modèle en cela et de chercher comme eux à prendre connaissance de tout ce qui est profitable afin de pouvoir le mettre en pratique et se rapprocher ainsi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la légitimité de demander conseil et recommandations aux personnes de science et de confiance. Et ceci est une chose courante chez les salafs. Ils se demandaient mutuellement conseil. Ils se demandaient des recommandations. Et on tire encore profit de leurs conseils et de leurs recommandations jusqu'à aujourd'hui. Cependant, il faut faire attention. On ne demande pas conseil à n'importe qui. Regardez ici dans ce hadith. À qui le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a-t-il demandé une recommandation? Il a demandé une recommandation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant des hommes et le plus apte à adresser des recommandations. Donc si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'une recommandation, tu dois t'adresser aux personnes pieuses, de science et de confiance, car ce sont eux qui vont t'orienter. Ce sont eux qui vont t'indiquer ce qui sera profitable pour toi ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, incha'Allah ta'ala. Il y a des gens, ils demandent conseil à n'importe qui, à des inconnus. Il y en a, ils sont éprouvés, ou ils vivent une épreuve et ils ne sentent pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils écrivent un message sur Twitter ou sur Facebook. Je ne me sens pas bien, il m'est arrivé ceci et cela, conseillez-moi, j'ai besoin de conseils. Est-ce que tu penses franchement que c'est sur ces réseaux qui ont donné audience et qui ont donné la parole aux faibles d'esprit et aux plus ignorants des gens et aux plus mauvais des gens, est-ce que tu penses que c'est sur ces réseaux que tu vas trouver un bon conseiller? Non, Wallah. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, mais tu dois te diriger vers quelqu'un de pieux, quelqu'un de science et de confiance qui lui sera te conseiller, incha'Allah ta'ala. Et s'il ne sait pas, alors sa piété fera qu'il te dira quoi? Il te dira tout simplement, je ne sais pas. Non pas comme les ignorants et les faibles d'esprit qui parlent sur tout, même s'ils n'ont aucune connaissance. Ils se sentent obligés de répondre à tout ce qu'on leur demande. Je pense que, j'ai entendu que, je crois avoir lu sur un site que, mon grand-père qui a fait le pèlerinage ou qui a lu le Coran m'a dit que, et ainsi de suite, parmi les paroles que l'on entend souvent, Wallah al-Musta'an. Donc le musulman, lorsqu'il a besoin d'un conseil, ou qu'il a besoin d'une recommandation, il doit choisir une personne pieuse, une personne de science et digne de confiance à qui demander ce conseil ou cette recommandation. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'on s'adresse aux personnes selon ce qui convient à leur situation. Et celui qui est questionné, il doit répondre en fonction de la situation du questionneur. Et ça, c'est une règle qui est très importante en islam. C'est même une des conditions que les savants ont mentionnées pour le prêche. La connaissance de la situation des gens à qui on s'adresse et ce afin de leur prodiguer les paroles qui leur profitent le plus. Par exemple, dans ce hadith, C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que cet homme était coléreux. Il lui a alors adressé cette recommandation à plusieurs reprises. Ainsi, si quelqu'un vient à toi pour te demander conseil et que tu sais par exemple que cet homme, il a de mauvaises fréquentations, qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Tu vas lui conseiller de ne pas fréquenter les gens mauvais et tu vas lui rappeler l'importance de la bonne compagnie en islam. Si un autre vient et te demande conseil et que tu as connaissance par exemple qu'il se comporte mal avec sa famille, qu'il se comporte mal avec son épouse, ses enfants ou ses parents, tu vas alors lui dire « Comporte-toi bien avec ta famille, comporte-toi bien avec tes proches. » Et si un autre vient et il te demande conseil, et que tu sais par exemple qu'il est négligent dans l'apprentissage de la science, tu vas alors lui dire « Sois assidu aux assises de science » et ainsi de suite. Tu dois adapter ta réponse et adapter ton conseil à la personne à qui tu t'adresses. Et ceci est une règle importante qui est prouvée par la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. On recommande à la personne ce qui convient à sa situation et qui n'est pas forcément la chose la plus importante à recommander. Et ça, c'est très important. Car il y a des gens, ils pensent que dès que quelqu'un vient à toi te demander conseil ou te demander une recommandation, il se dit la chose la plus importante, c'est le tawhid. Je vais lui parler de tawhid. Tu dois traiter le problème sur lequel il est venu te demander conseil. Et bien sûr que le tawhid est la chose la plus importante. Bien sûr que le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des choses aussi les plus importantes auxquelles tu dois appeler les gens. Mais tu dois adapter ton discours à la personne à laquelle tu t'adresses et remédier aux problèmes dans lesquels il se trouve. Ceci est donc, comme on a dit, une règle importante qui est prouvée par la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Quatrièmement, il est recommandé d'être concis lors des conseils et des recommandations, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ne te mets pas en colère. Tu dois donc choisir les bons mots qui conviennent à la situation, comme on l'a dit, et qui seront profitables pour la personne. Car si quelqu'un te demande une recommandation et que tu commences à te lancer dans un long discours, il se peut qu'au final, il ne retienne rien de ton conseil. Ou alors que ton conseil le décourage si tu lui énonces trop de choses et que tu le conseilles sur trop de choses à accomplir. C'est pour cela qu'il est préférable d'être concis et d'aller droit au but selon ce qui convient à cette personne, tout en choisissant les meilleurs mots et les meilleures recommandations. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de se mettre en colère. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. Et il a interdit cela, car la colère, elle comprend de nombreux méfaits. En effet, si la personne exprime sa colère, cela lui cause des problèmes. Combien de conflits entre les gens sont causés par des paroles prononcées sous la colère? Combien d'hommes divorcent leur épouse à cause de la colère? Pire encore, combien de personnes ont mécru et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de paroles de mécréance prononcées sous le coup de la colère? Car il faut faire attention mes frères, la colère ce n'est pas une excuse. Il y en a quand ils sont colères, qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala et ils pensent que la colère est une excuse. Mais non, ce n'est pas une excuse. Celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il sort de l'islam et il devient mécréant, même s'il était en colère. Celui qui dit à sa femme « tu es divorcé », alors ce divorce est compté, même s'il était en colère. Car la seule colère pour laquelle l'homme est excusé, c'est la colère extrême. La colère qui lui fait perdre la raison. Il est comme fou, il ne sait plus du tout ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Comme une personne qui est ivre par exemple. Une fois son moment de colère passé, il ne se rappelle plus de rien. C'est les gens qui vont l'informer de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. Celui-ci est excusé car il est comme le fou, la plume est levée. Mais dans la plupart des cas, la personne elle est consciente de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Mais c'est son manque de patience et sa faiblesse à contrôler sa personne qui la pousse à se laisser aller dans ses interdits en exprimant sa colère. Donc si quelqu'un est en colère et qu'il s'énerve, que doit-il faire? La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le remède contre la colère. Il nous a donné un remède par la parole et un remède par les actes. Le remède par la parole, c'est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». En effet, il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme très en colère. Il a dit alors « Je connais une parole. S'il la prononce, alors sa colère partira. » Et ceci il dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Ceci est donc le remède de la colère par la parole. Quant au remède par les actes, il consiste à changer de position. C'est-à-dire que si tu es debout, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'assois. Si tu es assis, tu t'allonges, et ainsi de suite. Car le fait de changer de position, en apparence, cela va obliger un changement de ta situation intérieure. Et si ceci ne fonctionne pas, et que la colère est encore présente, alors pars faire tes ablutions. Car ceci va te faire oublier ta colère, et aussi, car les ablutions, elles éteignent la chaleur de la colère, comme cela est rapporté dans certains hadiths. Et si ceci n'a toujours pas d'effet, alors il n'y a pas de mal à ce que tu quittes l'endroit où tu te trouves. Tu sors de chez toi, par exemple, tu pars prendre l'air, tu pars faire quelques pas, et ce afin de ne pas faire une chose que tu regretteras par la suite. Et ici, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui se trouvent en compagnie d'une personne qui s'énerve. Lorsqu'une personne est en colère, il ne faut pas lui en rajouter. Mais il faut faire en sorte à l'aider à sortir de cette colère et à mettre en œuvre ce qui lui permettra d'éteindre cette colère. Car il y a des gens, lorsqu'ils voient une personne en colère, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui en rajoutent. Ils continuent de l'énerver ou ils continuent de le contrarier. Et ceci est une erreur. Si tu parles à quelqu'un et que tu vois qu'il s'est énervé, ça ne sert à rien de continuer de lui parler. Laisse-le se calmer et reprends une fois que la colère est dissipée. Aussi, si tu vois qu'il cherche à éteindre sa colère, facilite-lui les causes. Des fois, si quelqu'un est en colère, il veut par exemple sortir de chez lui pour éviter de faire une chose mauvaise, comme on l'a dit, et il y en a parmi ses proches ou sa famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'en empêcher. Non, tu restes là. Pourquoi tu t'enfuis? Pourquoi tu fuis les problèmes? Ou d'autres remarques qui ne font que mettre de l'huile sur le feu, comme le dit l'expression. Donc si tu vois que ton frère, ton ami, ton conjoint est en colère, apaise-le et aide-le à sortir de cet état de colère et ne lui rajoute pas à sa colère. Donc ceci est le remède prophétique contre la colère une fois qu'elle est survenue. Mais avant qu'elle survienne, si tu sais que tu es quelqu'un de coléreux, alors tu dois faire en sorte de te soigner. Tu ne dois pas rester comme ça et dire « c'est mon caractère ». Vous avez déjà entendu ça. Moi je suis quelqu'un de nerveux, c'est ma nature. Mais même si c'est ta nature, tu dois lutter contre ce caractère blâmable. Ce n'est pas une excuse. Et pour cela, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guérisse et te préserve de cette colère blâmable. Tu peux aussi faire beaucoup de dhikr, beaucoup de rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le dhikr, le rappel d'Allah, il adoucit le cœur et il apporte à l'âme repos et sérénité, incha'Allah ta'ala. Parmi les causes également, il y a le fait de donner à ton corps son droit en termes de repos et de relaxation. Car il y a des gens, ils sont surmenés, ils sont épuisés, ils sont toujours sous pression. Donc forcément, quand tu es dans cet état, il n'y a pas de doute que tu auras du mal à te contrôler. C'est pour cela qu'il est important pour le musulman de donner à son corps son droit afin d'éviter ce genre de situation. Enfin, parmi les causes qui permettent à l'homme de ne pas se mettre en colère, ou plutôt qui le motive à contrôler sa colère, il y a le fait de se rappeler les textes rapportés au sujet du mérite de contrôler sa colère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 133 de surat Ali Imran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour qui? Préparé pour les pieux. Et qui sont ces pieux? Qui sont ces pieux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ce paradis large comme les cieux et la terre? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a décrits dans les versets suivants. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui contiennent leur colère et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Donc comme vous le voyez, le fait de contrôler sa colère fait partie des caractéristiques des pieux. Les pieux qui sont les gens du paradis. Donc si tu veux faire partie de ces gens, tu dois te parer de ce noble comportement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les gens du paradis. Parmi les textes rapportés également sur les mérites de contrôler sa colère, il y a le hadith rapporté par les imams Ahmed, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et qui a été jugé comme bon par l'imam Al-Albani, rahimahumullahu jami'a, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. D'après Mu'adh ibn Anas al-Juhani, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui contient une colère, alors qu'il peut l'exprimer, Allah l'appellera devant toutes les créatures au jour de la résurrection, et il le laissera choisir parmi les femmes du paradis celle qu'il veut. Donc celui qui a les capacités d'exprimer sa colère, mais qui se contient et qu'il patiente, recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah lui accordera cette récompense au jour de la résurrection. Il l'appellera devant toutes les créatures. Pourquoi ? Pour le laisser choisir parmi les femmes du paradis, celle qu'il veut. Ceci donc est une récompense immense, et c'est pour cela qu'il est important de se rappeler ces textes, afin de s'encourager à mettre en œuvre ce comportement sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister dans cela. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait qu'assouvir sa colère ne règle aucun problème et n'est en aucun cas une solution. En effet, s'il y avait un bien en cela, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous aurait pas interdit de nous mettre en colère. Mais au contraire, il y a un grand mal dans la colère. Car celui qui se met en colère, il ne fait en général qu'aggraver la situation dans laquelle il se trouve et ajouter problème à son problème. Il n'ajoute que problème à son problème. Et surtout si sa colère le conduit à des péchés très graves, comme le fait de s'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cassant des objets, en déchirant ses vêtements, ou autres parmi les formes d'opposition au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lors des épreuves, tu dois patienter et craindre Allah dans l'aisance comme dans l'adversité. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il est une preuve qu'il est possible pour la personne de se débarrasser des mauvais comportements ou des mauvais traits de caractère, même si ceci est lié à sa nature. Car si ce n'était pas possible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous aurait pas interdit de nous mettre en colère. Donc si tu es éprouvé par un mauvais caractère ou un comportement blâmable, tu dois tout mettre en œuvre pour t'en débarrasser. Et ceci fait partie du suivi de la sunna. Et ceci fait partie du fait de se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis ça car certaines personnes pensent que se conformer à la sunna, c'est de mettre un qamis et laisser pousser sa barbe. Et c'est bon. Il pense qu'il s'est ainsi conformé à la sunna et qu'il a atteint le sommet. Alors que dans les œuvres, en termes d'adoration et de comportement, tu le vois loin de la sunna. Et pour les sœurs, c'est pareil. Il ne suffit pas de mettre un djilbab, de mettre un niqab pour se conformer à la sunna. Ceci est une bonne chose, il n'y a pas de doute. Mais il faut aller au-delà de cela. En adoptant un comportement conforme aux enseignements de l'islam, dans tous les domaines, en étant pudique dans sa façon de parler, pudique dans sa façon de se comporter, et ainsi de suite, parmi les choses, légiférer en islam. Il faut arrêter de se limiter aux apparences, mais il faut aussi qu'on donne de l'importance à la purification de nos cœurs. En les purifiant tout d'abord de quoi ? De l'impureté du shirk, de l'impureté de l'association, qu'elle soit majeure ou mineure. En purifiant ton cœur également de toute croyance corrompue, de toute superstition, de toute innovation. Et enfin, en purifiant ton cœur de tout caractère qui s'oppose à notre noble religion. Enfin, huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la religion de l'islam interdit tous les mauvais comportements. Et ceci implique nécessairement qu'elle ordonne tous les bons comportements et les nobles caractères, comme on a dit. Le musulman, il doit donc s'écarter de tout mauvais comportement. Et il doit faire les efforts pour se parer des nobles comportements auxquels appelle notre religion. Et si tu agis ainsi, et que cela se manifeste à travers tes paroles et tes actes, tu appelleras alors à l'islam à travers tes agissements. Car tu vas donner une bonne image de l'islam. Et tu seras, inshallah, un modèle exemplaire dans la société. Et c'est ainsi que doit être le musulman. Il ne doit pas délaisser une porte de bien sans y entrer. Et il ne doit pas laisser une porte de mal sans la fermer. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite et le succès en cela. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de ce que l'on a dit et écouté. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.